L'idée que l'on a au départ, c'est d'analyser le mal-être en tenant compte des rapports sociaux. Je voudrais tout d'abord dire que ce n'est pas une opération individuelle, mais que ça engage le laboratoire Genre Travail Mobilité, enfin CRESPA et l'équipe Genre Travail Mobilité, que participent à un conseil scientifique et donc nous ont aidés à construire le début de ce programme, à la fois des collègues, des doctorants. Alors donc nous avons Françoise Chappert, dans l'ordre alphabétique, hein, Julien Choquet, Anne-Sophie Cousteau, Anne Jacquelin, Arnaud Mias, Michel Paiva, Daniel Kergoat et Daniel Linhart qui est ici. Donc c'est une opération, on va dire, collective et on avait bien besoin de ça. Donc, la question de départ de ce séminaire, dont vous avez le programme, il y en a encore ici, il y a 6 séances qui ont été préparées, mais il ira jusqu'à la fin de l'année et il se terminera par un colloque, sans doute en décembre 2013. Vous saurez dans un mois à peu près quelle est la date de ce colloque. Donc, la thématique, c'est en quoi l'appartenance de genre peut-elle modifier le mal-être au travail, ou en quoi conduit-elle à le révéler ou bien à le domestiquer différemment? C'est-à-dire quand on est homme, femme, en fonction des situations que l'on a, est-ce que la manière de domestiquer ou de subir un mal-être au travail est différente? Voilà. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le titre qui doit beaucoup à Daniel Linhart parce qu'elle a le sens, on va dire, des énoncés. Le genre du mal-être au travail et pas le mal-être du genre. Oui, mais on peut l'inverser. Le genre du mal-être au travail. Le genre du mal-être. Alors, je commence néanmoins. Mais oui, mais n'importe. Alors, justement, on va en discuter. Donc, on va en discuter. La question du mal-être. Nous partons donc, c'est bien la question de la santé au départ, quelle définition on donne de la santé? Et donc nous partons d'une définition de la santé qui est celle de l'OMS, hein, de l'Organisation mondiale de la santé, et qui ne définit pas la santé comme une absence de maladie, mais comme un bien-être. Et donc c'est une perspective assez différente qui engage beaucoup de choses, à mon avis. Notamment, elle met l'accent, cette définition du bien-être, sur la question, sur le point de vue subjectif. Et il nous faudra donc, dans ce séminaire, assumer pleinement l'idée que la santé, elle a aussi, pour la révéler, elle a une dimension subjective qu'on doit pouvoir analyser, qu'on doit savoir analyser. On voudrait néanmoins, dans ce séminaire, c'est la discussion qu'on a eue en comité scientifique, axer beaucoup notre analyse sur les cadres sociaux qui vont interférer sur cette question de la santé. Et donc, on va mettre au centre de la réflexion, vous pourrez le voir tout au long des séances, les conditions concrètes dans lesquelles se produise l'activité. Donc, c'est bien les conditions concrètes de l'activité, même si il y a par ailleurs une dimension très subjective qu'il nous faut assumer, hein. Voilà, donc on se réfère à cette définition de l'OMS, on se réfère aussi à une perspective qui est celle de Canguilhem, qui s'intéresse à la question de la dynamique des processus de santé. Et donc notre idée, c'est bien de considérer que la santé est une conquête, hein, individuelle, sociale, qui suppose aussi une activité de la personne et qui suppose une négociation permanente. Donc négociation pour rendre la vie viable, pour arriver à vivre dans de bonnes conditions. Donc bien évidemment, la santé n'est pas la même pour les différents groupes. Et si on fait une analyse en termes de genre, on ne peut pas faire une analyse en termes de genre homme-femme, mais on aura besoin de prendre en compte la place des hommes et des femmes dans la société et de l'inscrire dans une structuration sociale, hein, et dans des groupes sociaux. Donc, premier point, la définition de la santé. Deuxième point, le fait que la santé est désormais considérée comme un phénomène qui est directement articulé au processus de travail, processus de production dans le travail. Production, évidemment, ne se limitant pas à l'industrie, mais quand on dit production, c'est production aussi du service, production de l'activité de travail. Alors, c'est donc un point de vue que l'on prend résolument qui est de s'ancrer sur la dimension travail. Alors, bien sûr, on va essayer de faire le lien avec ce que l'on sait sur la santé dans le contexte sociétal, puisqu'il y a des recherches, des études qui existent au niveau sociétal et qui font des comparaisons hommes-femmes. Donc, on aura ce souci de faire le lien avec la santé en général. Il y aura plusieurs interventions autour de cette question-là, mais notre point de vue, il est bien résolument autour de la question du travail. Alors, jusqu'à maintenant, cette question du travail a été beaucoup abordée. Il y a énormément d'études sur la santé au travail, donc à la fois sur tout ce qui touche à l'accident du travail, au TMS, sur également ce qu'on a appelé les risques psychosociaux. Donc, c'est un terme générique, les risques psychosociaux. On va se référer à cette notion avec l'idée de la déconstruire parce qu'on veut réfléchir et mettre en cause la notion. Cette notion, elle a déjà été travaillée beaucoup par le rapport de Baudelot, Golac et Gurgan qui s'intitulait « Hommes et femmes au travail ». Des satisfactions comparables en dépit des situations inégales. Donc, c'est un document INSEE, pardon, DARES, ministère du Travail. Donc, dans les synthèses, les premières synthèses, donc c'est le numéro 35, hein, numéro 35, auquel vous pouvez aussi vous référer. Donc, le rapport Baudelot & Co. Là, a fait déjà une analyse sur les conditions de la création de risques psychosociaux tout en mettant en cause la notion. Il y a bien d'autres travaux qui ont mis en cause cette notion, notamment Yves Clos, hein, puisque Yves Clos intitule son dernier livre « Pour en finir avec les risques psychosociaux hein, ». Voilà, donc c'était, en fait, il faut lire « Pour en finir avec la notion de risques psychosociaux ». Alors, donc, cette question-là a déjà été travaillée, mais on pense que la question n'est pas épuisée, d'où le séminaire. Voilà, il faut continuer à réfléchir sur cette question. Donc, je pense qu'avec l'exposé d'Arnaud, aujourd'hui, on va commencer à travailler la question, et puis on poursuivra aussi dans d'autres séances. En tout cas, les différentes analyses qui font référence pour nous, ce sont les analyses qui mettent en question le rôle de l'organisation du travail sur la santé. On pense que c'est essentiel, c'est une dimension qu'on va développer. Et puis aussi les modalités du management qui actuellement ont des effets, on va dire, pervers sur la question du bien-être. J'en viens au troisième élément et qui fait, à mon avis, l'originalité du séminaire, c'est d'avoir mis la question du genre au centre. En effet, poser la question du genre, évidemment, ce n'est pas nouveau, mais ce qu'on peut dire, c'est que la question de la différence homme-femme est traitée dans un certain nombre d'enquêtes d'un point de vue statistique. Donc, on peut avoir des éléments de connaissance sur les conditions de travail, sur les risques divers, notamment les risques physiques. Si on prend l'enquête Summer, on a ces différences de hommes-femmes. Mais quand on regarde les enquêtes qualitatives, par contre, on a des grandes difficultés à avoir des synthèses sur la question des différences hommes-femmes. D'où l'idée pour nous d'essayer de mettre ensemble des travaux de recherche avec trois idées, enfin plusieurs idées. D'une part, essayer de faire le point sur les travaux qui existent et qui différencient une analyse en termes de genre. Puis essayer de voir quels sont les travaux qui parlent de la santé, qui ne traitent pas de la question du genre et voir comment on pourrait introduire cette question de genre dans des travaux qui balisent la question de la santé et qui ne prennent pas en compte le genre. Donc c'est faire un effort à la fois épistémologique et méthodologique. Et puis enfin, il y a des travaux sur le travail qui ne font pas appel à la notion de genre et on voudrait les confronter avec les travaux qui, au contraire, mobilisent la question du genre pour éclairer le travail. Voilà. Donc, il nous semblait qu'il y avait, on va dire, un espace à remplir sur cette question de l'articulation santé, travail et genre. notamment, alors donc le comité scientifique s'est réuni, on a eu des discussions, et il nous est apparu qu'une des questions était celle de l'épistémologie et de la méthodologie. Il y a de nombreux acteurs qui souhaitent faire des études en mettant en évidence la question du genre, mais comme le genre n'est qu'une dimension, et comme mettre en place cette dimension genre suppose de ne pas naturaliser les différences hommes-femmes, c'est quand même excessivement complexe de travailler la question de la santé au travail au travers du prisme du genre sans naturaliser justement les différences hommes-femmes. Donc, en discutant, il nous est apparu notamment que ce qui était important, c'était d'apprécier différemment cette question du travail. Le travail, évidemment, est au centre du séminaire et on s'est posé une première question qui est celle du périmètre. Quand on veut parler des effets du travail sur la santé, doit-on s'en tenir au travail salarié ? C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder du côté du hors-travail ? Voilà, notamment si on fait une différence homme-femme, cette question du travail domestique est fortement posée. Autrement dit, est-ce que le travail, c'est uniquement le travail dans le rapport salarial, mais est-ce que si on parle de la santé, on ne doit pas penser le travail comme étant un travail aussi domestique ? Donc ça, c'est une vraie question de périmètre et de définition du concept de base qui est le travail. Donc cette discussion, on l'aura à différents moments du séminaire. Deuxième point, la question des indicateurs. Quand on veut évoquer, mesurer la question de la santé, on utilise des indicateurs. Et ces indicateurs de santé, bien évidemment, induisent des résultats. Et ces indicateurs reposent sur des représentations que l'on a de ce que c'est qu'une manifestation de mauvaise santé pour les hommes et pour les femmes. Et donc, cette question-là, nous souhaitons la traiter et l'affronter tant au niveau des enquêtes générales, sociétales, sur la santé en France, comment différencier les manifestations de mauvaise santé. Est-ce qu'on prend les mêmes choses pour les hommes et les femmes ? Certainement. Mais est-ce que la mauvaise santé des hommes se manifeste de la même manière que la mauvaise santé des femmes ? Donc ça, c'est une vraie question. Et on aura l'occasion donc d'aborder dans une autre séance cette question des indicateurs, tant au niveau général qu'au niveau de l'entreprise, puisqu'on posera aussi, vous le verrez dans le programme, la question de l'utilisation des indicateurs pour rendre compte des différences hommes-femmes dans une organisation, quelle qu'elle soit. La question des indicateurs, il s'agit de se poser la question de savoir comment ils ont été construits, mais aussi est-ce que les différences que l'on observe rendent compte de la construction des forces et des faiblesses ou des expositions différenciées des hommes et des femmes. On peut penser notamment qu'il y a des manières de lutter pour se maintenir en bonne santé qui sont différentes pour les hommes et les femmes en fonction des dimensions culturelles, hein, le rapport au corps, le rapport au risque, etc. Donc ces éléments-là, nous aurons aussi à les mobiliser. Bien, et puis j'en viens enfin au troisième point de cette question. J'ai terminé sur cet aspect. Donc maintenant, je vais donner la parole aux invités parce que je ne veux pas conserver trop longtemps la parole pour l'introduction. Ce que nous avons pensé dans cette première séance, c'est avoir un exposé un peu général, et c'est la raison pour laquelle on a demandé à Dominique Méda d'intervenir, un exposé un peu général sur la question des valeurs au travail et du rapport au travail. Alors, l'intérêt, évidemment, de son travail, c'est qu'il y a une dimension aussi, je crois, de comparaison internationale, afin, disons, de se poser la question sur quelle place on accorde au travail et est-ce que l'investissement qu'on fait dans le travail peut avoir à faire avec la question de la santé. On peut avoir cette hypothèse-là, c'est-à-dire que si on s'investit d'une certaine manière en santé, la santé sera différente ou le risque de santé sera différent. Donc c'est important déjà d'avoir, je pense, une vue du paysage sur les manières de s'investir dans le travail. Alors, je crois que Dominique Méda n'a pas travaillé spécifiquement, en tout cas sur ce thème-là, la question des différences hommes-femmes, mais justement, comme nous sommes là aussi en creux pour voir qu'est-ce qui reste à faire sur ces questions de différences hommes-femmes, eh bien, ça sera une manière de révéler peut-être ce qu'on pourrait faire davantage sur cette analyse-là. Et puis, on a pensé qu'un exposé général sur un premier exposé général, puisque nous en aurons un autre avec L'Oriol, dans une autre séance, sur qu'est-ce qu'on met derrière la différence homme-femme et puis quels travaux il y a sur cette question-là. Et donc, on donnera la parole à Arnaud Mias. Donc, je pense que je vais quand même dire deux mots sur les intervenants, mais je pense que sans doute vous les connaissez. Dominique Méda, donc, est professeur maintenant à Dauphine, hein, et Arnaud Mias est maître de conférence à Rouen.